Tout sera plus comme avant, le vent de maman, sa chaleur, les amants d'un week-end à Milan. Le mystère du noir et du blanc, le tristère des champs, le coton, les colons. Toutes les terres n'ont pas de colombes, pourtant comme avant, je tue, il ment. Seuls les bras longs, rompent, on se bat les ronds, contre, amical, on allant contre des mines calmes. L'atmosphère, comme l'amiante est mortelle, les promesses, les artifices pour l'hôtel. Notre ère artificielle dévoile un potentiel en déclin. Les clans, les ficelles, les potes aux cieux, pour quelques contentieux. Ciel, tout sera plus comme avant. Les psaumes dissous les hommes, l'école c'est la zone, j'en fais pas des tonnes. Cap sur les cap down, un enfant porte un gun, pas de troll, ici t'es down. On compare la cité Dieu à la Gaule, pas aux cités d'or, certains rigolent. On propage les codes du ghetto, les gosses sont en panne de l'orto, ce sont des louveteaux. Ils tapent pour des bosses, c'est dommage, ce manque d'hommage est de l'ouvrage. Combien t'as encore, combien de lanceurs, combien vont le croire, tout sera plus comme avant. Combien font l'effort, combien dans les sorts, combien font les choix, tout sera plus comme avant. Combien t'as encore, combien de lanceurs, combien vont le croire, tout sera plus comme avant. Combien font l'effort, combien dans les sorts, combien font les choix. Tout sera plus comme avant, on a vendu des savons, pour vendre des savons, on pense majoration. Dans cette large nation, le désastre viendra désastre. On les défie, la conso rend déficient. Moi le premier, c'est évident, le coefficient des marines. Choc, ok, forcer. Les pédophiles, les marines, qui veulent nier. Tout sera plus comme avant, la vente d'armes va de l'avant. Le mental est navrant, les saucissons, les bourrelets, la taille du saucisson. Le monde tourne en rond, le scalpel, une drôle d'évolution. Tout sera plus comme avant, les dames sont des hommes, parce que les hommes font que dalle. Le sexe, un coup d'éclat, le globe n'a plus de saison. En gobe, sans raison, la télévision, MTV décide des songes, tout sera plus comme avant. Leurs mensonges, le soleil se levant, le peuple afghan, 22 nations sous les bombes. Viens, on fait les comptes, les génocides font sale comble. On s'arme d'un blunt, c'est nous les sales cons. Combien t'as encore, combien de lanceurs, combien vont le croire, tout sera plus comme avant. Combien font l'effort, combien dans les sorts, combien font les choix, tout sera plus comme avant. Combien t'as encore, combien de lanceurs, combien vont le croire, tout sera plus comme avant. Combien font les